je ne démissionnerai pas. Mon gouvernement ne démissionnera pas parce que je ne suis pas l'élu de la seule opposition. Je suis l'élu du peuple malien qui n'est pas à refuser ou à accepter le multipartisme. Ça n'est pas mon problème à moi. Mon problème, c'est de laisser le libre choix à notre peuple. C'est tout. 1991 toujours, et cette fois-ci au mois d'octobre, le colonel Amadou Toumani Touré, alors président du régime de transition qui a succédé au renversement et à l'arrestation de Moussa Traoré, s'agace du comportement de ses compatriotes et menace de démissionner.